bonsoir à toutes et à tous. Nous poursuivons notre cycle Histoire et mémoire, et c'est une approche un peu différente de ce rapport entre histoire et mémoire que nous aborderons ce soir, celle d'une historienne qui a choisi d'écrire sur les voix du peuple parce qu'elle refuse d'accepter que celle-ci soit défigurée, devienne sans voix. Cette historienne, c'est Arlette Farge, spécialiste du XVIIIe siècle, chercheuse au CNRS, animatrice de l'émission Histoire sur France Culture, auteure de nombreux ouvrages. Alors nous la remercions bien sûr vivement d'avoir accepté l'invitation de la Bibliothèque municipale de Lyon. Je ne vais pas ici vous citer tous les livres qu'elle a écrits, du goût des archives à cet essai pour une histoire des voix, en passant par la vie fragile, etc. Je vous renvoie à une bibliographie que vous pouvez trouver à l'entrée de la salle et que vous pouvez aussi vous procurer, si vous le souhaitez, au département civilisation de la bibliothèque. Alors, quelques mots, mais très rapides, pour évoquer son parcours. Arlette Farge a commencé ses études par le droit, puis elle a changé de route, et son domaine, désormais, c'est l'histoire. Des rencontres essentielles, elle en a fait sur ce nouveau chemin, de René Mandroux à Michel Foucault, en passant par Philippe Ariès. Les thèmes de son œuvre se concentrent autour de la quête du sens de l'éphémère et de l'instable, des discontinuités du social. Histoire des relations entre le masculin et le féminin, histoire de l'opinion publique, histoire du dessous, des murmures, de l'infime. Les archives prennent une place importante, essentielle dans son travail. La lecture des archives est pour elle un observatoire social, une lecture de paroles qui sortent de l'oubli et de l'obscurité des siècles. Les émotions aussi sont centrales dans son œuvre. C'est en connaissant les émotions qui traversent les gens que l'on peut comprendre ce qui les réunit et comment elles peuvent provoquer des événements. Ces émotions assurent le passage entre singularité et mouvement collectif. Alors, avec sa dernière parution, Essai pour une histoire des voix au XVIIIe siècle, elle s'avance plus loin dans l'éphémère en tentant de retrouver les voix, pas seulement les bruits, musique, patois, paroles et discours, mais à proprement parler les voix de la rue, les ordonnances du roi, les voix des enfants, celles des conversations amoureuses. Est-il vraiment possible de les saisir? On s'interroge quand on voit un titre comme ça, comment une historienne a pu capter les voix? Où les entend-on? Est-ce à cette époque qu'ont commencé en France les tentatives de normalisation des voix et des accents? Comment cette histoire nous parle de l'évolution des gens du peuple vers un statut de sujet politique? C'est toutes ces questions que vous allez aborder. Merci. Ben je vous remercie beaucoup. Je remercie la bibliothèque de m'avoir invité pour venir présenter ce livre. Et je vous remercie aussi beaucoup de la présentation de celle qui a été écrite aussi dans le dossier officiel, où voilà, vous qui l'avez écrite avec sensibilité, et donc et vous avez bien compris ce que je veux faire dans mes travaux, et je vous en remercie aussi. Et puis je vous remercie à vous tous d'être là, parce qu'il ne fait pas très chaud, il y a des grèves, il paraît, de métro, donc voilà, c'est... d'autant plus gentil. Alors, je voudrais juste dire un tout petit peu, avant, je voudrais vous dire qu'est-ce que c'est pour un chercheur, puisqu'au fond, enfin, ou une chercheuse, pardon, c'est ce que je suis, cet appareil austère, mais vivant, qui est, je suis au CNRS, qu'est-ce que c'est qu'écrire un livre d'histoire, au fond, et pourquoi ben, en fait, pour moi, en tout cas, c'est justement vouloir... mais retracer les fragments du passé, ça c'est évident, mais les retracer pour aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui invente l'avenir. Pour moi, il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas d'écho, si celui qui lit un livre ou celle qui lit un livre d'histoire ne ressent pas d'écho qui lui permette, non pas d'être dans la nostalgie, mais de prendre des pièces, des scènes, des choses, des événements, des faits pour que ça lui serve aujourd'hui et que ça lui serve à créer l'avenir. Donc, pour moi, écrire des livres d'histoire après les recherches que je peux faire dans les archives, c'est offrir, c'est donner à voir, c'est donner à lire, ce qui est en fait pour toujours enfoui pour ceux qui n'exercent pas ni le métier de chercheur, ni le métier de bibliothécaire et qui ne verront peut-être jamais ces sources qui sont si émouvantes finalement à découvrir et à travailler. Donc je crois que écrire un livre d'histoire, c'est s'engager à donner quelque chose qui, sans lequel, serait disparu à tout jamais, je crois. Mais c'est peut-être encore plus loin, c'est rencontrer l'autre, que j'écrirai avec un grand A, rencontrer l'autre d'autrefois pour l'offrir à celui d'aujourd'hui. Et c'est une démarche, d'historienne citoyenne, que j'essaie de faire, et puis de réfléchir à ce qui fut, et pas que dans le mémorable, l'impressionnant ou le mémoriel, mais à ce qui fut dans la vie des jours, à ce qui fut ou heureux ou cruel, ou extraordinairement dépaysant pour nous, ou au contraire encore très familier, en tout cas à ce qui, par instant, je crois, c'est revêtu de sublime. Il y a eu dans l'histoire, Dieu merci, sans quoi on ne serait peut-être pas là aujourd'hui, il y a eu autant de sublime que d'ombre et d'horreur, je crois. Et c'est dans cet équilibre un peu particulier que l'historien doit se tenir, faisant avec son lecteur et avec sa propre personne un pacte de véridicité, peut-être pas forcément un pacte de vérité, parce que la vérité, nul ne peut... s'arroger le droit de la détenir, mais en tout cas le pacte de véridicité est extrêmement important. Et chez certains historiens ou historiennes dont je suis, il y a cette conviction très forte en moi que le passé jamais n'est mort, le passé n'est jamais mort, et qu'il vit en fait en chacun de nous sans même que nous le sachions quelquefois. Et au fond, le travail de l'historien, c'est alors de faire savoir qu'en nous, il y a encore ces traces du passé, qu'elles peuvent être vivantes si on les vivifie, ou qu'elles peuvent être enfouies à tout jamais si elles ne sont pas vivifiantes. Vous comprenez bien que les deux discours ne sont pas parallèles, mais complémentaires. Donc pour moi, c'est faire surgir le passé, c'est pas, et peut-être je vais vous choquer, mais c'est pas un devoir de mémoire. Oui, je sais qu'il y en a un, et c'est très bien, de toute façon on est dedans, il n'y a plus rien à dire. Mais pour moi, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est considérer que le passé n'est pas un fantôme inaccessible qu'il faudrait honorer parce qu'il a été par moments très somptueux, mais c'est une terre. Le passé, c'est une terre qui ne nous est pas étrangère et qui a posé son empreinte sur nos épaules et que nous pouvons visiter et revisiter à merci si nous en avons le courage, pour se souvenir, bien sûr, car c'est important, mais plus encore, je crois, pour prendre part, pour participer. Non pas refaire, car ce n'est plus possible, puis l'histoire ne donne jamais de leçons, mais inventer et créer, parce que je crois qu'il faut savoir que nous avons fait, bien ou mal, et que de ce que nous avons fait, nous sommes encore héritiers, redevables et inventeurs de ce qui sera. Alors pour moi, en tout cas, toutes les démarches, parce que d'habitude, les chercheurs au CNRS comme moi ou à l'université, ils écrivent plus des articles, on publie des articles, mais les articles, ça s'en va dans des revues qui ne sont quand même pas très, très ouvertes. Et j'ai un peu enfreint la loi du CNRS, enfin le consensus traditionnel, c'est-à-dire j'ai plus publié de livres parce que ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui. Et maintenant, je voudrais juste vous dire pourquoi ce livre sur les voies. Qu'est-ce que c'est que de choisir un objet de recherche quand on est historien? Bon, de toute façon, il y a une nécessaire empathie. Je travaille uniquement sur le XVIIIe siècle, ce qui peut paraître bizarre à certains, on est très spécialisé. Et je travaille presque le plus régulièrement à partir des archives de police des commissariats de Paris au XVIIIe siècle, ce qui correspond, si vous voulez, à nos mains courantes des commissariats de police d'aujourd'hui. qui sont conservés, en tout cas aux Archives nationales à Paris. Je disais tout à l'heure à Madame la conservatrice que c'était justement, on les comptait en kilomètres hein, de travées. Pour le XVIIIe siècle, il y a 4 kilomètres de travées d'archives des commissaires de police, ce qui est énorme. Et donc, c'est vrai que je me suis enfouie, et, pas enfouie, mais enfouie, dans ces archives de police pour appréhender les personnes oubliées, les anonymes, au fond, ce que l'écrivain Pierre Michon a appelé pour un de ses romans, les vies minuscules. Et d'ailleurs, il empruntait ce terme à Michel Foucault lui-même, qui s'intéressait aussi à ces vies-là, celles dont on ne parle jamais, et que les archives de police peuvent faire apparaître, évidemment avec le biais d'un interrogatoire et d'un passage devant le commissaire. Mais ça, c'est vos questions, on en parlera peut-être après, parce que je ne peux pas tout aborder d'emblée, parce que je suppose que enfin, la question qu'on pose le plus souvent, c'est « mais vos archives, ça ne marche pas, parce qu'elles sont biaisées, parce qu'on est devant la police, donc si vous avez besoin que je vous dise pourquoi, quand même, je les trouve bien, je vous le dirai. » Et donc, elles me permettent, en fait, de m'approcher de plus en plus de l'intériorité, vraiment, et je travaille en effet sur les affects, sur les sensibilités et les émotions, et je tiens à dire aussi que ça a été un combat, c'était un combat dans l'université d'ouvrir ce thème, d'autant plus difficile qu'après la venue de l'histoire des femmes dans les années 91, puisque la parution est en 1991, à laquelle j'ai participé sous la direction de Michel Perrault et de Georges Duby, c'est sûr que approcher l'histoire des affects et des sensibilités, c'était quand on était une femme, en tout cas ce que j'ai souvent entendu, c'était que effectivement, de toute façon, je ne pourrais jamais être objective, puisque si j'étais une femme, bien sûr, si j'allais travailler sur les émotions, ben, bien sûr, ce seraient des émotions qui seraient forcément complètement mièvres, etc., puisqu'elles émanaient d'une femme, ce qui a été un espèce de combat assez difficile, et je voudrais saluer celui qui est un homme et qui a donné beaucoup pour cette histoire, qui est Alain Corbin, qui travaillait énormément sur l'histoire des sensibilités et à qui ce reproche ne pouvait pas être donné puisque c'était un homme. Tant mieux, tant pis pour lui, ça je ne sais pas. Et donc, effectivement, à travers ces archives de police, j'ai travaillé sur beaucoup de thèmes, les relations hommes-femmes, ça c'est vrai, la famille, les enfants, la place des enfants au XVIIIe siècle, les imaginaires, la pensée des gens du peuple, leur façon de penser, l'opinion publique. Et puis, comme il a été dit dans la présentation, la rencontre avec Michel Foucault et le fait que j'ai eu la... Je ne sais pas quoi, je ne sais même pas comment appeler ça, c'est le... C'est de la chance, de l'honneur, de la, je ne sais même pas encore, c'était improbable d'écrire avec lui. C'est sûr que ça a réassuré chez moi l'importance du statut des émotions dans l'histoire des événements du XVIIIe siècle et des événements tout court. Voilà. Et après, choisir un sujet sur la voix, et il se trouve que j'avais d'abord travaillé sur les corps et les gestes dans la société de Paris au XVIIIe siècle, et que, après ce livre sur le corps et la gestuelle, j'avais beaucoup remarqué, j'étais de toute façon depuis longtemps très frappée par cette société populaire orale qui ne dispose pas de l'écrit, qui ne sait pas écrire pour les deux tiers, ou qui sait à peine signer, ou qui sait faire écrire les rondes ou écrire les majuscules, mais pas les rondes et les majuscules, ou qui peut écrire mais pas lire, ou lire mais pas écrire, et que cette société, elle vivait son mode de communication, mais aussi son mode de travail, son mode de relation au monde, d'être au monde, se faisait que par la voix et par la parole, puisque les contrats d'embauche ne se font pas sur papier comme on les faisait aujourd'hui, mais se font par le geste des paumes qui se joignent, celles du patron et de l'ouvrier, et par des paroles qui sont dites à ce moment-là, et que l'ensemble de la vie sociale, de la rue en tout cas, et du petit peuple, comme j'aime pas qu'on dise, mais je le dit pour aller vite, du peuple, est effectivement une vie totalement oralisée, d'autant que les gens vivent dehors, et donc qui ne connaissent pas dans leurs appartements d'intimité, et que bien sûr le verbe les sons et le contexte dans lequel ça se passe sont des moyens de communiquer très frappants qui frappent tout le monde, et tous les voyageurs d'ailleurs qui traversent Paris sont absolument étonnés par la multiplicité des sons vocaux, parce qu'il y a des cloches et des musiques, mais je veux dire par l'utilisation des voix pour des tas de raisons qui sont des raisons économiques, marchandes, des raisons d'embauche, des raisons de travail, et aussi pour s'exprimer de toutes les façons, que ce soit sur le thème de l'amitié, l'amour, les parents, les enfants, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de livre à lire, il n'y a pas de... tout se fait par l'oral. Et donc pour moi, c'était quelque chose qui depuis longtemps me tenait à cœur, et dont j'appréhendais bien la difficulté quand même d'essayer d'entendre en lisant les archives, parce que entendre par l'intermédiaire de l'écriture, ça pose un petit problème. Alors j'avais des raisons personnelles à ça qui sont pas très intimes, donc je peux donner là, c'est que j'ai toujours aimé le son des voix. J'ai toujours remarqué ça chez les gens avant la couleur de leurs yeux, si vous voulez. Ça a toujours été quelque chose pour moi, qui ne suis pas musicienne, je tiens à le dire. Aimer les voix de mes amis, aimer les voix tout court. Et j'ai su par expérience que c'était la chose que l'on oubliait le plus vite quand on avait perdu quelqu'un. Et j'y étais d'autant plus sensible en ayant la chance de pratiquer la radio, qui est c'est un vrai bonheur. C'est quelque chose de très agréable. Au moins, on n'est pas vu, c'est bien. On parle. On ne sait pas à qui on parle, mais voilà, justement, ça rend plus intime. Il n'y a pas de caméra. Et puis, il y a ce travail magnifique des ingénieurs du son, notamment sur France Culture. Ce sont des gens absolument extraordinaires qui savent vous parler des voix comme personne, qui ont des techniques formidables pour effacer, je ne sais pas, un petit grommelot que vous avez ou une mauvaise toux. Ce matin-là, vous êtes venu, ou les invités qui ont peur, qui sont invités pour la première fois et qui ont au début une espèce de tremblement de la voix. Tous ces petits signes sur lesquels ils sont, quand on les voit bouger... Bon, moi, ça m'avait toujours fascinée, puisque j'étais face à la technique. On les voit travailler sur la voix, et j'en ai beaucoup parlé avec eux. Et voilà. Alors, il y avait... ça, c'était les raisons personnelles, la recherche de la voix. Et ensuite, en dernière instance, j'avais la conviction, comme je le disais tout à l'heure, pour expliquer ce que c'était qu'écrire l'histoire, que je... Voilà, quand j'ai commencé, j'ai mis beaucoup de temps, parce que c'était difficile. J'ai mis 4 ou 5 ans et de recherche et pour l'écriture. C'était au moment où vraiment, dans l'air du temps, si j'ose cette expression qui est un peu banale, mais les problèmes, c'était le parler banlieue, les jeunes qui nous échappaient, ne serait-ce que par leur son de voix qui n'était plus le même, leur renversement des syllabes, etc. Et ce fait qu'il y avait donc des populations que sur notre territoire, on ne voulait plus comprendre et on ne comprenait plus. Et pendant ce temps-là, j'étais dans les archives et je lisais ces réglementations qui étaient en train de vouloir restreindre les accents, et surtout les accents régionaux, et surtout la façon dont les chroniqueurs, les mémorialistes, les journalistes de l'époque, journalistes entre guillemets, les philosophes éclairés, disaient ne pas pouvoir comprendre les voix du peuple, que de toute façon elles étaient grossières, grasseyantes, comme on le disait, qu'elles étaient vulgaires, qu'elles étaient frappées au coin de la populace, du sale. Pour celles des femmes, elles étaient considérées comme étant très souvent beaucoup trop hautes et hystériques. Et il y avait vraiment cette façon de détruire les personnes, la personne de quelqu'un, parce qu'on avait entendu que cette voix n'était pas une voix cultivée. Bon, à une époque où, vous le savez sans doute, au XVIIIe siècle, la conversation est un art, les salons sont en pleine, il y en a énormément, évidemment, la France entière a des académies, On y vient oralement présenter des sujets. Les traités d'oralité, les traités de civilité parlent de la façon de prononcer, de la conversation. La conversation, c'est l'art de ce siècle. Et par ailleurs, les autres voix, les autres sons sont des borborygmes. Rétif de la Bretonne dit constamment, bien qu'il aime le peuple, mais il dit à plusieurs reprises dans les Nuits de Paris, voilà qu'il ne peut rien comprendre, que ce sont des borborygmes. Et j'avais lu, j'avais été à la recherche de traités de médecine qui m'avaient énormément impressionné. Les médecins qui commencent à travailler sur les pauvres et qui, bien sûr, on n'est pas encore très, très avancé dans la médecine, comme vous le savez, et qui décrivent les larynx des pauvres en faisant des essais d'anatomie et qui disent que c'est bien normal que les pauvres, les gens du peuple parlent mal parce que de toute façon, c'est normal. C'est comme si on avait un gène de ça, si vous voulez, aujourd'hui. C'est-à-dire que leur larynx est difforme. Et comme leur larynx, parce qu'ils sont des gens de peu, comme leur larynx n'a pas une bonne forme, ils ne peuvent que éructer. Là, ça m'avait beaucoup impressionné, cette espèce de, vous voyez, de raisonnement à l'envers, comme on peut faire quelquefois, c'est-à-dire de se dire que c'est comme on ne comprend pas, mais c'est forcé que ce soit le corps lui-même qui est déterminé pour devenir pour donner des propos qui sont inaudibles. Et donc voilà, et c'est pour ces raisons que j'ai voulu effectivement aller au-delà des limites, je crois, comme on me l'a dit depuis que le livre est sorti, au-delà des limites de ce qu'un historien peut faire, c'est-à-dire que je me suis dit à chercher, je me suis penchée sur comment retrouver ces voix, retrouver les paroles même, et retrouver aussi le son des voix. Donc bien sûr, c'est un défi et j'ai avancé dans le livre, en le ponctuant des moments d'hésitation ou de doute que j'avais, parce que je pense que c'est de l'honnêteté. Je suis sur un terrain qui n'avait pas été jusqu'ici exploré, ni même exploré d'ailleurs, parce que je crois qu'on pourrait faire maintenant avec toutes les archives sonores qu'on a pour le 19e siècle ou 20e siècle, une histoire des voix des gens du politique ou des voix, or il n'y a que les ethnomusicologues qui font ce travail-là, souvent d'ailleurs de façon tout à fait passionnante, mais il n'y a pas encore ni les anthropologues ni les historiens qui se sont mis sur ce travail. Et effectivement, commencer par le 18e siècle, c'était un peu une gageure, je le reconnais, mais puisque j'étais historienne du 18e et que je possède des archives, enfin je ne les possède pas, je ne les vole pas à la bibliothèque, je vous promets. Voilà. Et au fond, le fait que ces voix du peuple aient été si stigmatisées, si conspuées, considérées comme si grossières, et inarticulé m'a poussé en avant. Et j'en tiens juste pour preuve une anecdote, parce que je faut quand même dire, je lisais beaucoup de plaintes ou de procès-verbaux de police où, en fait, les aristocrates qui, à Paris, vivaient dans les hôtels du Marais, dans les grands hôtels, mais dans les mêmes quartiers que les gens les plus pauvres, les aristocrates n'arrivaient pas à comprendre le cri des marchands ambulants qui passaient sous leurs fenêtres. Donc, pour faire leurs courses et pour s'approvisionner, non pas qu'ils y allaient eux-mêmes, mais ils demandaient toujours à leur domestique d'aller à la fenêtre et le domestique était l'interprète. C'est-à-dire que les domestiques comprenaient très bien les cris des marchands ambulants, si c'était le passage du poissonnier ou si c'était le passage de la marchande d'oubli, qui sont des petits gâteaux qui étaient très appréciés au XVIIIe siècle, ou le porteur d'eau, etc. Parce que chaque métier avait choisi des tonales particulières et des vocales aussi très particulières pour se distinguer des autres et que ça ne fasse pas une cacophonie. Donc eux-mêmes avaient la maîtrise de leur voix et de leur son, et que, en fait, chaque matin, les duchesses ou les marquises, etc., demandaient à leurs domestiques ce service. C'était l'évidence, hein, c'était l'évidence, ils ne pouvaient pas comprendre. Donc, comme une marquise, ça ne se penche pas à la fenêtre pour savoir si c'est du poisson ou de l'eau, eh bien, c'était les domestiques qui interprètent. Or, il faut savoir aussi que dans les commissariats de police, il y avait énormément d'interprètes, parce que la population parisienne, elle était faite de toutes les régions de France. L'accent jurassien n'a rien à voir avec l'accent savoyard ni avec l'accent normand, et parlait des patois. Et donc, il y avait besoin même dans cette population d'interprètes. Donc, pour dans les traités de droit, on pouvait lire d'ailleurs les recommandations données au greffier, comment le greffier devait se faire traduire par l'interprète, et aussi comment le greffier avait à analyser le ton des voix, la hauteur des voix, pour savoir s'il était devant une personne franche ou pas franche. C'est-à-dire que dans un système, si vous voulez, de communication orale constante, eh bien, c'est comme pour tout, si vous voulez, le 18e, il est très olfactif d'une part, et il est très sensuel, il est très gestuel, et les voix on avait l'habitude, puisque quand on ne possédait pas l'écrit, de reconnaître s'il y avait de la franchise, de la méchanceté, de la duplicité. Il y a une grammaire de la voix, un dictionnaire des voix. Vous entendez quelqu'un et vous pensez comprendre s'il est de tel ou tel caractère. Et donc, j'avais toutes les preuves que effectivement, les voix, on pouvait les entendre, puisqu'elles étaient si décrites et si constamment décrites. J'avais aussi les guides des voyageurs et quelques journaux aussi de gens venus de l'étranger qui ont raconté leur mémoire, particulièrement des Anglais qui venaient en France et qui notaient très très souvent, par exemple le jour de leur départ, à quel point ils étaient heureux de quitter Paris parce que c'était insupportable, ils étaient devenus complètement sourds. Je crois qu'aujourd'hui c'est la journée de l'audition, et ils devenaient sourds d'entendre toutes ces tonales différentes, parce que je vous parle des marchands ambulants, mais il y avait toute une autre population aussi, parce que toutes les réglementations de police sont criées à haute voix. Elles doivent se distinguer des ordonnances, du ton pris par les ordonnances royales, qui elles ont trois notes de musique qui sont faites par les trompettes, trois notes de musique seulement, et des vocales bien significatives, qui fait que quand vous êtes chez vous, vous entendez qu'on est en train de donner dehors une ordonnance royale, ou bien une réglementation de police, et ça va être un autre type de tonal, ou bien encore tout ce qui est de l'ordre de l'Église, qui elle-même va à l'extérieur des églises, à la fin des prônes, le dimanche, aussi donner ses recommandations sur un autre ton, comme lorsque, aussi un autre exemple de voix, pour vous dire cette espèce de mélodie permanente cacophonique, si j'ose mettre les deux termes l'un à côté des autres. Ce sont aussi les derniers sacrements, quand le prêtre s'en va avec les derniers sacrements pour aller voir un mourant. Il est accompagné d'une petite cloche, d'un un truc qui fait gloum gloum, et de la voix bien précise du prêtre qui prononce les prières, pour que tout le monde s'écarte et sache déjà, mais il a une façon de les prononcer qui est tout à fait particulière. Donc, on voit que la vie de la cité est réglée par ces mélodies qui se superposent les unes aux autres, et qui effectivement sont, si on ajoute toute la musique, la danse, les théâtres de rue, les animaux et les métiers, vous imaginez comme tous les ateliers sont ouverts sur la rue, et la musique de chaque corporation, et les tédéums, et les entrées royales, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sons. C'est une ville sursaturée, bien sûr. Et ce qui est très, très, je crois, très, ce qui m'avait frappé aussi, c'est que une fois que j'avais trouvé tout ce matériau, j'avais aussi envie de travailler sur les gens ordinaires. Enfin, non pas que les marchands ambulants sont évidemment des gens ordinaires, mais dans la vie ordinaire, ils ne crient pas comme quand ils appellent pour vendre leurs marchandises. Et donc, en prenant les archives de police sur lesquelles je travaille, et où les greffiers sont extrêmement minutieux et essaient de rapporter au maximum les paroles qui ont été dites, et en même temps, ils décrivent des intonations. J'ai essayé, par un travail très particulier, assez long, donc d'aller essayer d'entendre ce qui avait été dit, et aussi de me servir de ces textes écrits en phonétique, parce que quand on ne savait pas très bien écrire, les gens faisaient des déclarations, se servaient quand même de l'écrit, parce que c'est la grande soif du XVIIIe siècle, c'est quand même de savoir lire et écrire. C'est une très grande volonté de savoir lire et écrire. Mais quand ils n'y parviennent pas, vous avez des textes que je recueillais, que je recopiais très consciencieusement, mais que je ne pouvais lire que chez moi à voix haute pour comprendre, tellement les phonétiques étaient très particulières et pouvaient montrer l'escansion effectivement des voix. Donc c'est comme ça que j'ai effectivement travaillé et j'ai pu me rendre compte à quel point ce thème de la voix était très très fort dans tous les moments de la vie. Et je ne pense pas que je vais pouvoir tout vous dire sur le livre, parce qu'il faudra bien que je m'arrête un moment pour que vous me posiez des questions, mais je voudrais juste un tout petit peu rapidement balayer l'ensemble des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Je me suis beaucoup intéressée déjà au nouveau-né et à l'enfant, et à cette chose tout à fait étonnante qui fait que, bon, le 18e siècle, on a dit, et c'est vrai, c'est le siècle de la femme, mais c'est aussi vraiment le siècle de l'enfant tellement il en meurt tant, hein, si vous voulez, en couche, au moment des couches, et l'enfant a tellement de mal à grandir, hein, puisque la mortalité entre 0 et 4 ans est si grande, que c'est vrai que la médecine va être très très attentive à la vie de l'enfant pour que la démographie ne tombe pas. Et le cri du nouveau-né est tout à fait interprété tout de suite. Dans son cri, tout le monde, la famille, pardon, les parents, l'entourage cherchent à entendre dans ce cri sa vigueur, sa force, et donc peut-être la façon dont il va vivre et survivre au-delà de ses 4 ans. Par ailleurs, lorsque l'enfant nouveau-né est mort-né, la peur est telle que, vous savez que quand un enfant est mort-né, on ne donne pas le sacrement du baptême à un enfant qui est mort. Et donc, les parents, en hâte et sous la tolérance des prêtres et des curés de paroisse, posent très très vite leur enfant, apportent leur enfant, accompagné de leur famille, sur ce qu'on appelait la pierre à crier, qui est en général à l'extérieur. Il en reste plus beaucoup en France, mais il y en a encore en Provence et dans quelques régions d'Alsace, qui est près de l'église, et avec des bougies. Et si on voit ou on sent ou on entend un souffle, tout de suite il y a l'onction du baptême qui est donnée pour que l'âme de l'enfant puisse ne pas errer et aller directement au paradis. Les pierres à crier sont donc, d'où leur nom, sont donc un des moments essentiels. Il y a tant de nouveau-nés qui meurent, d'enfants morts-nés, je veux dire. Donc, je me suis beaucoup intéressée au cri du nouveau-né, qui est en plus légalisé, parce que, alors ce serait compliqué à vous expliquer, mais enfin, de ce cri-là aussi, on tire des conséquences légales sur le plan des successions. Je vous expliquerai si c'est... Mais donc il y a quelque chose dans ce cri, dans cette voix, et dans les traités pour éduquer les enfants, ou dans le peu de choses qu'on donne, les sages-femmes donnent aux mamans, c'est de surveiller toujours le développement de la voix. D'ailleurs, il y a dans la France beaucoup de pèlerinages, et il y a des villes qui s'appellent Sainte à voix, par exemple, et d'autres avec le terme de voix, où on va en pèlerinage pour que l'enfant trouve sa voix, sa bonne voix, et que en effet, avec cette voix, il sera sûr de pouvoir affronter le monde, puisque l'oral est la source principale qui vous permet de comme je le disais, de vivre dans le monde. Donc ça m'a beaucoup intéressée, de travailler aussi sur la voix des enfants, et notamment, donc ça, vous pourriez vous demander, mais comment, les sources avec les apprentis. Les apprentis, ils sont entre 6 et 12 ans. Il n'y a pas d'adolescence au XVIIIe siècle, et il se trouve que les apprentis ont souvent des conflits avec les maîtres, ou plutôt les maîtres ont des conflits avec leurs apprentis. Et donc, il y a souvent des plaintes de parents d'apprentis. Les parents vont chez le commissaire pour se plaindre que le maître a battu, ou bon, la querelle qui s'est passée. Donc, il y a énormément de dossiers très, très intéressants et de paroles d'enfants qui ont été dites. et du temps sur lequel ils l'ont dit, en même temps de recueils de chansons qu'ils ont. Chaque atelier a sa propre chanson, la corporation a ses chansons et les apprentis ont leurs chansons, quelque chose qui est resté quand même jusqu'au début du XXe siècle quand même dans certaines formes de métiers. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup intéressée. Donc c'était une partie que j'ai intitulée à chacun sa voix, et pour montrer comment on pouvait travailler sur toutes ces voix et les restituer, notamment aussi les voies de la séduction, les voies des hommes et des femmes en train de se séduire, comment badiner, ce fameux badinage du XVIIIe siècle qu'on connaît si bien chez les aristocrates, qu'on appelle aussi le libertinage, et qui a ses règles, ses conventions. On ne libertine pas n'importe comment, contrairement à ce qu'on croit, et on ne badine pas n'importe comment. Et donc les paroles du badinage, celles qui éveillent en l'autre un petit début d'amour ou de désir, sont finalement des paroles qui sont extrêmement... elles ne sont pas codifiées, on peut dire ce qu'on veut, bien sûr, mais elles suivent un chemin qui est assez semblable pour les hommes comme pour les femmes. Ça, ce sont des choses que j'ai pu retrouver justement dans des dossiers de femmes séduites et abandonnées, qui avaient été abandonnées une fois enceintes, qui viennent se plaindre devant le commissaire et qui racontent comment elles ont été séduites. Et elles disent, mais avec cette voix-là, il me chantait des chansons, ou alors s'il était plus cultivé, il me lisait une histoire, il avait un ton tellement câlin. Alors bon, je ne vous dis pas tous les adjectifs, etc. Mais donc il y a un récit qui fait que s'il a fait ça, j'ai été séduite, donc c'était vrai. Ça, dans sa voix, il y avait ça, donc voilà. Donc il m'a abandonnée. Et en général, elles ont gain de cause et elles ont droit à des dommages d'intérêt. Mais la réciproque aussi est vraie. Donc on peut travailler sur les voix des hommes et les voix du masculin et du féminin. Alors j'en profite pour dire que ce qui me passionne dans l'histoire des femmes, c'est pas l'histoire des femmes, c'est l'histoire des hommes et des femmes, et que ce qui m'intéresse le plus, c'est pas d'aller tout le temps chercher là où elle est victime, mais c'est de tout le temps aller chercher quelle est cette énigme étonnante de la relation homme-femme, cette énigme conflictuelle et amoureuse que les siècles ont vu passer sans la résoudre. Et c'est comme ça que je conçois mon féminisme. Et puis après, j'ai travaillé pour retrouver les voix des compagnons sur ce qu'on appelle les bacchanales, c'est-à-dire les grèves, les mouvements de grève et les disputes d'atelier sont vraiment hautes en couleur, avec effectivement des tonales, des injures très particulières selon les métiers. Alors, vous savez qu'à cette époque, il y avait évidemment Rousseau écrivait son essai sur l'origine des langues. Et lui avait cette théorie qui se diffuse pendant tout le XVIIIe siècle, que la voix ressemble, par exemple pour certains ateliers, que la voix prenons un exemple, du savetier ou du cordonnier va ressembler, aura quelque chose d'aussi saccadé que la façon dont le marteau tape sur les semelles, que la voix des gens qui font les fenaisons, c'est la voix du blé en plein air, du vent qui bouge les herbes, que les voix correspondent, enfin, empruntent aux outils du métier quelque chose de leur rythme. Et l'autre jour, à propos de ce livre, j'ai rencontré un ethnomusicologue qui travaille dans la ville, j'oublie le nom, qui est le centre de la France. Peut-être certains d'entre vous savent quel est le nom exact de cette ville qui est dans le Cher, qu'on a dit que c'était le centre de la France. Et il travaille, et il y a beaucoup d'ateliers de découpe de pierre. Et les ouvriers expliquent comment ils travaillent au son des ciseaux sur la coupe de la pierre, et comment ils savent à quelle direction prendre pour la coupe à partir du son qu'ils entendent quand la pierre est blessée, comme ils disent. Et en même temps, ils sont eux-mêmes persuadés, dans cette théorie rousseauiste, que leur voix, à force d'entendre ces crissements, etc., est elle-même à quelque chose de crissant, alors que en fait, dans le Cher, s'il y a un accent, il n'est pas crissant. Il est plutôt lent et bon. Donc, vrai ou pas vrai. C'est ce qui est très très intéressant, c'est que c'est de savoir que effectivement, dans les chez les élites, des gens comme Rousseau, mais même Diderot dans sa lettre sur les sourds muets, ont des théories extrêmement fortes sur d'où vient le langage, quelle est son origine, comment hommes et femmes articulent bien sûr, mais aussi comment les métiers, l'environnement, en fait. Fabrique nos voix, ce qui n'est pas complètement faux, puisque si vous prenez des enregistrements du début de la télévision, vous savez tous que c'est quand même à mourir de rire, ou bien les actualités sous la guerre aussi, les systèmes, le nasal est quand même extrêmement fort, alors qu'on l'a évacué et que nos jeunes, ils sont dans la glotte, quoi, beaucoup plus, ce qui est encore autre chose. Donc, bien sûr que les voix varient, les voix changent, et que c'est extrêmement passionnant, je crois, de travailler sur les tensions que ça procure, et tension sociale que ça procure, et aussi les théories qu'on peut faire, notamment par exemple sur au XVIIIe siècle, l'influence de la nature qui est si célébrée au XVIIIe siècle, qui fait que les gens de la campagne auraient des voix qui seraient aussi rugueuses que la vie qu'ils ont avec la terre et leurs animaux, et qu'il n'est pas étonnant que dans le Jura, on parle comme une vache pour aller vite, quoi. Je veux dire, on voit des choses aussi, aussi brutales que cela. Et donc, pour moi, c'était extrêmement important de travailler à la fois sur les écrits, sur le langage, et d'aller vérifier si, dans les archives de police, où il y a les gens les plus anonymes, je pouvais retrouver traces de ces voix et en tirer, je ne sais pas que pour le plaisir, c'est en tirer la façon dont il y a des diversités sociales qui se fabriquent, mais aussi des événements qui se fabriquent. Par exemple, j'ai travaillé sur les disputes sur les grands chemins, qui sont des disputes d'honneur, c'est-à-dire que les Français, à cette époque-là, sont nomades, ils vont de ville en ville, c'est les migrations de village en ville, etc., et parce qu'il y a l'exil vers l'exil déjà de la campagne vers la ville, et que la dispute sur le chemin est un thème extrêmement fort, avec des voix très particulières, parce que quand on se croise sur ces petits chemins de halage ou sur ces chemins de campagne, eh bien, il y a, comme en voiture, des façons de se croiser. Il y a des façons de se saluer qui, si elles ne sont pas respectées, provoquent des disputes aiguës et même graves jusqu'à la mort, parce que c'est à la vie, à la mort. Pour des questions d'honneur, quel est celui qui doit tenir le haut du pavé ou le haut du chemin et celui qui ne le tient pas, et qui sont absolument passionnantes pour comprendre comment ces migrations se sont faites, à partir de quoi, à partir de quel système d'honneur, mais par le son des voix. Ça va, là ? Je continue encore un peu ou je m'arrête là peut-être ? Je continue. Bon, je vais très vite un peu, hein, je m'excuse, ça peut vous paraître un peu. Mais j'essaie de. Voilà. Je ne vous dis pas, j'avais fait toute une liste de vilaines injures, mais je n'ose même pas les prononcer. Si je suis bien échauffée à la fin, je vous les donnerai. J'en donnerai quelques-unes. Ce n'est pas très propre, hein, donc ce sera pour la fin. Comment ? Ça, c'est vrai. C'est vrai. Alors bon, donc ça c'était une partie, là j'ai essayé de travailler sur toutes les voix, chacun sa voix, j'avais appelé ça. Après j'ai essayé de travailler sur des ensembles de gens, enfin, je travaillais ce que j'ai appelé les passions souffrantes, c'est-à-dire toutes les voix qui s'exhalent, soit des prisons, puisqu'on entend tout à l'extérieur des prisons, hein, les hôpitaux, et aussi la voix des mystiques et la voix des galériens. Bon, là, c'était un travail assez complexe, mais très, très fort, en tout cas, qui m'a paru très impressionnant, parce qu'effectivement, dans les deux grands hôpitaux, Bicêtre et la Salpêtrière, Bicêtre à Paris est une prison pour hommes et la Salpêtrière une prison pour femmes, ce qu'on dit dans l'environnement, ce sont l'entendre les hurlements qui s'évadent de ces prisons, ces prisons où il y a autant de fous, vous savez, à l'époque, que de gens délinquants. Donc il y a un mélange de notamment à la Salpêtrière, des folles. Il y a eu, je crois, deux romans écrits, je crois même que c'est une femme, une écrivain de Lyon, qui a écrit dans le, je sais pas quoi, dans la nuit de Bicêtre. que je crois qu'elle est habitée enfin bon, et qui a, elle aussi avait cherché ces sons qui s'évadaient de la prison, ces sons de souffrance. Et là j'ai pas travaillé sur les archives de police, j'ai travaillé sur les témoignages qui étaient recueillis de tous ces cris. Et j'ai aussi travaillé sur les voix qu'on oblige à avoir aux galériens. Les galériens, vous savez, sont jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, c'est une peine très fréquente. Et donc, ils s'en vont aux galères, mais ils traversent les villes enchaînées. Et en fait, quand ils montent dans les galères et qu'ils vont dans les bateaux, ils sont obligés d'avoir une seule voix. Enfin, c'est toujours le même. C'est assez foucauldien, d'ailleurs. C'est vraiment... je crois que Foucault aurait aimé travailler là-dessus s'il avait pu. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'ordre chez ces galériens, donc ce peuple qui est... Le galérien, c'est vraiment le... une injure. C'est le cul pourri de la France, puisqu'on les traite toujours de cul pourri quand ils passent. Voilà une expression très 18e siècle. Pour qu'il y ait de l'ordre dans ces galères, dans les bateaux, on leur impose des tonales et des façons particulières de tous répondre ensemble et s'exprimer ensemble quand on leur donne des ordres et qu'ils répondent. Et c'est une espèce de panoptique, une façon d'englober leur voix pour qu'ils ne fassent qu'une seule voix qui serait la voix de la soumission. Et ça, c'est... quand j'ai trouvé ça, je dois dire que c'est vrai qu'on peut être vraiment ému quelquefois, vraiment ému, mais il ne faut pas en rester là parce que c'est bêta, enfin, ça ne suffit pas, il faut transmettre autrement. Je n'ai pas envie de faire larmoyer les gens, j'ai envie que... on sache ça parce qu'il reste des traces encore dans des armées ou dans des conflits ou dans des... Bon, je pense que c'est pour ça que ça peut être intéressant. Et puis, j'ai travaillé, pour aller vite, sur les mystiques et notamment les femmes jansénistes qui avaient ce qu'on appelle des... Enfin, on a dit que c'était des crises d'hystérie sur la tombe d'un diacre qui était un prêtre janséniste qui était extrêmement favorable aux pauvres et qui, quand il est mort, sa tombe a été très vénérée. Mais alors, il y a eu ce qu'on a appelé des miracles et il y a eu des assemblées de femmes et d'hommes qui ont... dit des prières et ont invoqué le ciel, etc. Et là, on retrouve quelque chose d'absolument extraordinaire, c'est-à-dire que voyez comme la voix est importante parce que ça a fait beaucoup de troubles dans Paris. Donc il y a des inspecteurs de police qui ont été envoyés par la police pour écrire complètement, puisque les jansénistes étaient relativement craints à l'époque, pour écrire complètement les phrases prononcées par ces femmes et ces hommes convulsionnaires qui étaient atteints de convulsions. On a tous ces dossiers et il y en a aussi conservés par l'Église protestante, à la bibliothèque des jansénistes à Paris. Et dans ces discours, on voit la plupart des femmes zozoter. D'ailleurs, le greffier dit, c'est pas moi qui me trompe, elles zozotent, elles parlent comme des enfants parce qu'elles se disent « je suis enfant de Dieu ». Et on lit ces textes absolument étonnants qui sont ces discours entre la mystique et la déraison, mais en tout cas insufflé par une mystique très grande et un désespoir extrêmement grand. Moi, il y a à peu près 160 000 discours qui sont conservés dans les archives. Je ne prétends pas en avoir lu 160 000, mais j'en ai lu suffisamment pour savoir que ces voix qui sont tout le temps dépeintes par les greffiers, qui affolent tout le monde, qui sont absolument inquiétantes et qui par moments font que leur bouche devient tordue complètement. Les gravures d'ailleurs sont absolument étonnantes qu'on peut retrouver à la Bibliothèque nationale, de ces femmes qui à force de s'égosiller en un sens vont avoir des bouches tordues et des cancers. Comme on dit à l'époque, c'est pas le même cancer qu'aujourd'hui, ça veut dire une déformation purulente, ça veut pas dire un cancer comme aujourd'hui. Et là aussi, j'ai essayé de capter ce que ces voix voulaient dire et ce qu'elles ont signifié et comment se sont imprimées dans ce conflit très grave entre les jansénistes, Rome et le roi. Et je crois que ces voix de femmes convulsionnaires ont provoqué des événements politiques, diplomatiques extraordinairement importants. Et que les avoir retrouvées, écoutées à partir de ce que les gens en ont écrit et écrire après sur ce qui a été dit, ça, voilà, ça, je ne sais pas, ça rend justice à plein de gens, quoi, j'ai l'impression. Et puis, après avoir étudié tout ça, j'ai terminé par, parce que j'aimais bien, j'ai terminé par un parcours sur les tableaux des peintres au XVIIIe siècle. Parce que j'étais tellement étonnée, j'aime beaucoup la peinture, je connais un petit peu la peinture du XVIIIe siècle, je ne suis pas spécialisée, mais je l'aime bien, quoi. Quand il y a les expos, j'y vais, quoi. Et je me suis toujours étonnée qu'il n'y avait jamais de bouche ouverte dans les tableaux, très peu. Et même si c'était des choses très souriantes ou très rigolotes qui étaient représentées. Donc j'ai fait tout un travail qui termine le livre, hein, sur ce questionnement. Pourquoi la représentation de la bouche ouverte est impossible au XVIIIe siècle? Qu'est-ce que représente la bouche ouverte dans les représentations mentales? Mais la bouche ouverte, c'est l'obscénité, bien sûr. Voir tout par l'intérieur. Donc, effectivement, une femme, la bouche ouverte, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on leur dit qu'elle parle trop, donc il faut la femme, la bouche, bon, ça, c'est une assise. Mais donc, j'ai essayé de travailler à travers gravures et tableaux pour mieux comprendre, et j'ai terminé comme ça. Voilà. Mais je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Donc, on va prendre les réponses. Oui. Oui, quand on considère le XVIIIe siècle, la première partie du siècle, c'est la fin du règne de Louis XIV avec l'austérité due à Madame de Maintenon. Ensuite, il y a la libération avec le régent, donc... Vous avez dû certainement trouver peut-être plus de choses que dans la première partie du siècle. Et puis, il y a aussi la fin de la monarchie de Louis XVI et de Marie-Antoinette avec les Poissardes. Donc là, toutes ces voix qui conspuaient l'autrichienne. Donc, ça devait être une période riche que vous avez dû trouver. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que la mort de Louis XIV est vécue comme une libération, vraiment au sens... fort du terme, et c'est vrai que le régent s'en donne à cœur joie, mais la ville entière, enfin c'est un moment très étonnant, assez court, parce qu'il va y avoir les problèmes des emprunts et de l'inflation avec l'eau, donc ça va être très court, c'est une période de 10 années qui est assez extraordinaire, d'une effervescence et d'une liberté presque excessive d'ailleurs, bon, dont quand Louis XV ensuite prendra la succession, après sa première période où il sera dit le bien-aimé d'ailleurs, bon ben ses excès de débauche feront qu'il deviendra le mal-aimé quand même. Donc effectivement, vous faites allusion, moi j'ai pas travaillé dessus parce qu'il y avait eu déjà des travaux sur les pamphlets de la Révolution, mais c'est vrai que le ton ironique, l'ironie, le sarcasme et l'obscénité, enfin tout autour de la sexualité de Marie-Antoinette et de tous les grands et de la haine contre elle, effectivement ça alors vous dites les Poissardes, elles sont restées dans les mémoires, mais les Poissardes il y en a depuis le 15e siècle, enfin le Moyen-Âge, je sais d'ailleurs pas pourquoi on les appelle les Poissardes, parce que oui, c'est des femmes, bien sûr, les émeutières sont effectivement très craintes au XVIIIe siècle, mais je ne sais pas, elles ont rallié le consensus de la légende pour tout le monde, ces Poissardes, mais c'était pas plus Poissardes que moi, enfin je veux dire, elles ne vendaient pas que du poisson, toutes celles qui ont été cherchées, mais on les a appelées comme ça, parce que justement, elles sont stigmatisées à cause de leur voix, et c'est sûr, hein, c'est... Bon. Donc en effet, oui, il y avait beaucoup de matériaux, mais pour l'interpréter après, c'est compliqué. C'est-à-dire, enfin moi, je trouvais que c'était compliqué. Mais effectivement, il y a beaucoup de matériaux, mais je pense qu'un autre siècle pourrait aussi trouver des... D'autant que je ne voulais pas m'intéresser aux chansons, parce que ça avait déjà été fait, la chanson populaire et tout, puis c'est un autre thème. Je voulais vraiment trouver ce qui était le tissu des jours, le grain sonore des jours. Et ces ordonnances royales, est-ce qu'elles étaient prononcées par ce qu'on appelait dans la campagne les gardes champêtres? C'est-à-dire, oui. Au coin d'une rue, on lisait un édit, oui, du roi? Alors, c'est plus solennel que ça, parce, oui, que ce sont des ordonnances royales, mais c'est tout à fait ce principe-là. C'est exactement la même chose, sauf que, effectivement, c'est plus solennel. Oui. C'était fréquent? Pardon? C'était fréquent? Les ordonnances royales? Ah oui, c'est très fréquent. Alors, il n'y a peut-être pas une ordonnance royale par jour quand même, mais il y a en tout cas la police, des ordonnances de police, et il y en a quelquefois trois par jour. Donc, depuis l'arrivée de la lieutenance générale de police à la fin du XVIIe siècle, donc ça, les ordonnances royales, il y en a moins quand même. Mais il y en a au moins une ou deux fois par mois, au moins, oui. Les ordonnances de police, c'est-à-dire que la garde et le guet vont dans tous les... Oui, et elles sont répétées, puis après elles sont collées au mur, affichées quand même, donc il y a un écrit, et là, il se passe d'autres scènes, je ne pouvais pas tout raconter, c'est-à-dire celui qui lit, celui qui sait lire, va le lire aux autres, donc il y a des petits rassemblements qui se terminent en général en... termine plutôt en bagarre, ou alors justement si c'est une ordonnance de police qui dit qu'on va faire des saisies chez tel ou tel type d'ouvrier, il y a déjà une révolte qui se fait au pied de l'affiche avec le type, enfin il y a beaucoup de gravures de ça, il est sur une échelle, il lit aux autres et en bas ça castagne et ça s'insurie de façon très, très violente parce que c'est quand même une société qui vit complètement dehors, qui est constamment sous la voie VOX, enfin sous la voie des injonctions de toutes sortes qui sont données constamment, et les prêtres aussi, puisque certains prônes sont ce qu'on appelle des monitoires, c'est-à-dire que s'il y a eu un crime dans le quartier, l'Église demande au curé de la paroisse, il fait un appel à dénonciation, ce qu'on appelle un monitoire. Et donc, il va sur le devant, il sort sur le parvis et il crie d'une certaine façon, un peu recto tono. Il fait cet appel à dénonciation. Donc, à chaque fois, tout le monde est sollicité. J'ai la voix qui flanche. Tout le monde est sollicité par toutes ces voix. Et effectivement, plus il y a d'attroupement, c'est donc là une mécanique très compliquée au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que tout est fait pour solliciter les gens dehors. Hein, les exécutions publiques, ça fait que tout le monde va dehors. Tout le monde, bon, là aussi, il y a lamentation, etc. Il y aurait toute une mélodie à étudier. Et en même temps, tout est fait pour qu'ils se rassemblent et qu'ils se bagarrent, quoi, en somme. Et tout est fait pour essayer de contrôler ça. Et donc, il y a une espèce de mouvement perpétuel d'action contre action qui est très, très particulier et qui va s'arrêter... qui ne va pas s'arrêter, mais qui va prendre d'autres dimensions, une autre physionomie au XIXe siècle par les grandes percées de l'urbanisme haussmannienne, les voies, l'hygiène, etc. Mais avant qu'on touche à l'espace, c'est un imbroglio assez étonnant et plutôt jouissif, si on n'est pas... Du coup, avant Haussmann, effectivement, on a une morphologie beaucoup plus ramassée. On a des petites rues, on a des petites placettes, des passages qui favorisent les évasions. Les prisons, on s'en évade très facilement. Je veux dire, oui, non, c'est pas tout. Y a pas c'est le début du contrôle policier. Il y en a énormément, mais il peut pas tout réguler. Effectivement, c'est sûr. C'est pas pour rien qu'il y a eu Haussmann après, quoi. C'est pas pour rien qu'il y a eu Haussmann. Oui. Non, mais il y avait l'hygiène aussi, il y avait des problèmes d'hygiène, bien sûr. Et la révolution, quand même, il y a la révolution. Pas oublié. Entre les deux, il y a la révolution et la contre-révolution. Oui, madame. L'année dernière, nous étions allés au festival d'Ambronay et la musique était entrecoupée de récitants, oui, qui pensaient retrouver l'accent. Oui. La façon de parler du XVIIe siècle. Oui. Et alors, c'était insupportable parce que c'était une caricature de l'accent québécois. Par exemple, au lieu de dire le roi, il disait le roué, en roulant les airs. Alors, est-ce que Louis XIV parlait avec l'accent québécois ? Non. Non. Non, il ne parlait pas avec l'accent québécois. D'abord, ça, c'est une bonne question que vous posez parce que le roi est silencieux et moi, je ne peux rien vous dire sur sa voix. Enfin, sauf peut-être des correspondances ou des mémoires que je n'ai pas lues. Mais non, mais il ne parle pas québécois. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ils n'ont pas l'accent québécois, mais que les gens aient tous des accents, oui, bien sûr. Mais ça, vous parlez c'est toutes les recherches qui sont faites sur le baroque et la musique baroque pour essayer de retrouver les sons de voix, mais qui roulent les airs dans certaines régions, c'est certain. Après, qui disent en effet roué au lieu de roi, c'est vrai aussi. Alors, c'était peut-être insupportable au son à cause des tonales qu'ils ont employées pour dire ça. Ah ben voilà, c'est, mais parce qu'on n'est pas familier. Mais effectivement, je crois qu'ils n'ont pas tort de dire qu'on disait Laurent. Et oui, ça, mais ça dépend comment ils posent leur voix pour dire ça, que de ces chanteurs. Ça, je ne sais pas. Oui, des récitants. Ah bon, d'accord. Ils ne chantaient pas. C'était des récitants. Oula, oui, ça devait être... Oui, c'est vrai. Éprouvant. Ouais. Ben, je crois que c'était éprouvant puisqu'on a plein de témoignages de gens qui disent qu'ils n'en pouvaient plus d'entendre tous ces... Mais maintenant... Mais bon, on ne peut pas. Qui peut? On n'a pas d'enregistrement. On a plein de témoins. Et on a... voilà, mais on ne peut pas être sûr. Bon, sauf... j'ai pas parlé du patois parce que c'est vrai que j'ai gommé une partie du livre où je me suis intéressée au patois parce qu'à la fin de la Révolution... on a envoyé des enquêteurs dans toutes les régions de Paris. Je suis obsédée par la capitale, excusez-moi. Dans toutes les régions de France, pour capter justement les sons de toutes les régions. Pour la volonté, c'était d'uniformiser que la France, qui devenait souveraine, le peuple était souverain, devait parler d'une seule voix et d'un seul ton. Donc, il y a une espèce de chasse au patois qui est très très importante, qui ne va pas marcher. Mais quand on travaille sur leurs enquêtes et sur leurs dossiers, ce qu'ils ont ramené, ils décrivent les voix avec une précision extraordinaire. Ils sont évidemment des hommes des Lumières, donc ils sont très influencés par Rousseau et son essai sur l'origine des langues. Et eux, effectivement, ils disent que chaque région, par exemple, bien sûr, près de la Méditerranée, c'est la langue du plaisir et du soleil, donc elle est chaude et chatoyante. Celui qui a le malheur d'habiter dans l'Artois et la Picardie, alors là, bon, il y a la voix sombre sous les nuages. Hein. Et par contre, ceux qui tiennent un peu la route, c'est le Jura, parce qu'il y a des sapins et ils ont le son du vent dans les sapins. Ça, c'est super joli. Mais par contre, la Bretagne, encore une fois, se fait est très... Voilà, parce que c'est les voix de ces insupportables vagues qui frappent les rochers. Donc, ils ont les voix complètement rocailleuses. C'est pas supportable. Mais en même temps, les enquêteurs, ils reviennent et ils disent... que ce serait dommage de retirer ces voix parce qu'il y a quelque chose, ça c'est aussi une grande théorie du XVIIIe siècle, c'est que celui qui parle comme la nature, puisque la nature c'est vraiment le grand enjeu du XVIIIe siècle, c'est quand même quelqu'un qui est saint, S-A-I-N. Donc il y a ce mélange, à la fois il faut les exclure, il faut qu'ils parlent, bon le patois après vous savez bien, non, parce que c'est devenu après à l'école, il ne fallait pas le bonnet d'âne et tout ça, mais au début quand ça commence, les enquêteurs eux-mêmes sont partagés entre l'idée de se dire, mais enfin ils parlent, s'ils parlent comme le vent siffle dans les sapins, bah, c'est quand même bien. Donc ils reviennent eux-mêmes un peu impressionnés. Et donc ça, c'est aussi un sujet très intéressant. Donc de toute façon, il faut se dire qu'il y avait énormément de voix. D'ailleurs, en plus, vous savez, il y a des gens qui se sont carrément querellés. Il y a le Jura du Nord et le Jura du Sud. Il y a la vallée, il y a une vallée, la vallée Nord, la vallée à l'Ouest, la vallée, je ne sais pas, au Soleil. Tout le monde a des... Donc faire disparaître les accents, c'est un truc de fou. Enfin, c'est un truc qui ne se résoudra jamais, je crois. Il n'y a pas à le résoudre, alors c'est pas ça que je veux dire. Mais donc, quand vous dites comment saura-t-on, on saura pas, on aura des indices, mais c'est pas grave. L'important, c'est de savoir comment les autres entendaient déjà. Est-ce qu'on peut penser que le Québec, c'est un observatoire? Ah oui, mais ça, c'est l'idée, mais là, je sais, c'est une idée des baroques. Enfin, j'ai rien contre eux, qui croient que le Québec, c'est comme Rousseau, et qui croient que c'est un conservatoire, c'est logique, mais c'est pas vrai, l'accent québécois, c'est l'accent québécois, comme moi j'ai l'accent parisien. Je veux dire, c'est pas, voilà, c'est parce que c'est le joual, ça veut dire c'est un mélange, c'est du français qui a été heurté au monde anglo-saxon. Et donc, forcément, ça donne quelque chose de très particulier. C'est comme si certaines personnes à la Nouvelle-Orléans ont un parler très, très particulier, qui est un mélange aussi avec du français et aussi avec du créole. Et aussi, bon, mais ça, c'est... Voilà, mais je crois de dire que le Québec est un conservatoire des langues. Mais tout le monde cherche l'origine des langues et l'origine du monde. Je crois qu'il faut être calme. Moi, je pense qu'il ne faut pas travailler comme ça, mais ça, c'est... Et est-ce que dans les textes phonétiques là, que vous avez ramenés après les avoir recopiés et dit tout fort à la maison et tout, est-ce que vous avez pu entendre en fait les timbres de voix dans, oui. dans la. Est-ce que la phonétique le permet en Oui, fait, alors c'est un piège, la phonétique, oui, j'ai d'abord cru. Et donc je lisais à haute voix et je me disais, puisque quelquefois il y a des mots à coller les uns aux autres, hein, donc je me disais, tiens, ça ils le disent, voilà. Et en fait, donc du coup, j'ai dû faire de la phonétique historique, qui est une discipline très particulière et qui m'a renvoyée à mon ignorance. Et en fait, c'est pas parce qu'ils écrivent de cette façon qu'ils le disent de la façon dont c'est écrit. Donc c'est encore un tout petit peu compliqué, mais ça, c'est dans le livre. Oui. Oui, ça me fait une question. Est-ce que quand vous voyez, enfin, vous lisez la description d'une voix, vous Pardon, ne vous heurtez pas. J'ai pas entendu, excusez-moi. Non, non, ça marche, mais c'est moi qui n'ai pas bien. Oui, alors c'est peut-être moi qui ne parle pas avec une bonne voix. Quand vous lisez la description d'une voix, est-ce que vous ne vous heurtez pas à un problème de vocabulaire? Parce que bon, c'est un petit peu ce qui se passe quand on décrit un vin. On essaie de trouver des équivalents peut-être dans d'autres domaines, mais bon, ça peut rester assez vague. Qu'est-ce que c'est exactement qu'une voix sifflante, par exemple? Ou qu'une voix caressante? Ça ne permettrait pas de la reconstituer, enfin, de retrouver des tons ou des intonations? Oui, je comprends très bien votre question, mais ce que je crois, c'est que depuis quand même maintenant 30 ans que je suis immergée dans les archives de police, je crois que les questions de vocabulaire, je veux dire, à la fois aussi pour avoir lu la littérature du XVIIIe siècle et les philosophes, je crois que quand ils disent voix caressante, je peux maintenant savoir à peu près ce que ça veut dire. Et vous avez raison de dire que ça peut changer, c'est-à-dire que par exemple dans L'Ys dans la vallée, la voix est très très souvent décrite dans ce roman, et voix caressante ne veut pas dire tout à fait la même chose qu'au XVIIIe siècle. Donc en ce sens-là, vous avez raison. Mais je veux dire, pour moi, j'ai pas trop de problèmes de vocabulaire dans la mesure où maintenant je crois posséder. Même on me dit quelquefois je parle XVIIIe siècle. C'est vous dire. Parce que des fois, je fais plus de syntaxe. D'ailleurs, des fois, c'est pas français. Parfois. Mais c'est vrai, j'ai une tendance à. Parce que c'est pas du tout la même syntaxe. Et c'est pas. Alors, le vocabulaire, bon. C'est. Oui, c'est pas tout à fait le même vocabulaire. Mais c'est pas du tout la même syntaxe. Donc, ça finit par. C'est normal. Si je lis tout le temps, ça finit par faire quelque chose au cerveau. Mais une voix sifflante, c'est quand même une voix qui siffle, siffler. Puis il y a des dictionnaires quand même. Hein. Si vous prenez le Furtière, je sais pas quoi, siffler égale, et il met plein d'exemples. Vous avez tout ça quand même. Hein. Non, ça on peut. Là, on peut travailler. Là, on a du, je veux dire, on a du socle. On peut pas y aller à l'aventure. On a trop de. Ouais, là, c'est le pacte de véridicité dont je vous parlais. On peut pas. Est-ce que les registres de police ont finalement un code pour décrire les voix? Est-ce que vous avez pu constater que dans des situations identiques, la voix de, par exemple, vous parlez de femmes qui venaient se plaindre d'avoir été séduites, oui. Est-ce que dans le même cas de figure, on retrouve toujours les mêmes termes pour décrire la voix? Souvent. Ah oui, bien sûr, sans quoi j'aurais pas. Bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire qu'il y a une sorte de code de, Non, c'est pas un code, c'est parce que eux, normalement, ils mettent. Attendez, il y a deux choses. Il y a les déclarations de la femme séduite. Bon, alors, elle la transcription, bon, voilà. Mais il y a aussi les instructions données au commissaire, au juge et au greffier. Bon, la façon dont ils doivent décrire les tons. Le ton, est-ce que le ton est arrogant, etc., qui vont être des circonstances aggravantes ou atténuantes. Alors, il y a les deux choses. Je me suis peut-être mal expliquée tout à l'heure. Oui. Il semble que dans les voix, il y a des choses qui soient acceptables à une époque et qui ne le sont pas à d'autres. Absolument. Par exemple, bien que je ne sois pas centenaire, j'ai suivi un cours avec de Gaston Bachelard grâce aux archives de France Culture. Par exemple. Donc, Gaston Bachelard, c'est un homme qui a du caractère, et puis on essaye de le titiller parce qu'il dit qu'en lui, il y a deux hommes. Alors, il y a l'homme diurne et l'homme nocturne. Alors, le journaliste de l'époque lui dit que c'est bien joli, mais enfin, c'est peut-être bien le même. Et alors, il répond, je vois bien que vous voulez m'embarquer sur votre bateau, mais je n'y monterai pas. Et en fait, il roule les airs, et c'est, enfin, on écoute Colette, c'était, alors que maintenant, on voit mal le président... L'Assemblée nationale, même s'il est haut-savoyard, rouler les airs ou des choses comme ça. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, l'autre jour, dans une discussion comme ça, on faisait le constat que les... pour les France 3, par exemple, ils ne veulent pas de gens qui aient l'accent de la région, pourtant c'est France 3 région. Et donc, ceux qui ont encore un reste d'accent sont obligés, parce que c'était un journaliste qui m'expliquait ça, un jeune, il avait encore un timbre, enfin un ton, encore un accent, et il prenait des cours pour ne pas en avoir. Et je me disais, mais c'est complètement fou quand même. Et lui disait que c'était fou aussi, mais il voulait son métier, enfin il voulait être embauché. Bon. Et en fait, si on va dans les écoles, si ça vous est arrivé, aussi, les écoles de journalisme, c'est absolument extraordinaire, les cours. La façon dont, d'ailleurs, si vous écoutez comment ils scandent les trucs, c'est... Ah ben oui, ça, il y a la voix de France, la voix de France Q, c'est très chic. Non, c'est sûr. Il y a, bien sûr. Non, mais c'est drôle parce que ça doit faire par identification. Parce que moi, sur France Culture, jamais on m'a dit de parler comme ci ou comme ça. Pardon ? Ah, vous ne pouvez pas parler ? Non. Je crois que c'est quelqu'un qui peut. Oui. J'étais en train de noter, je n'ai pas saisi. En peinture, lorsque vous parlez des bouches fermées, l'idée m'a échappé de votre recherche par rapport en peinture aux bouches fermées. J'étais en train d'écrire et. Ah, mais j'ai rien dit. J'ai juste annoncé que j'avais fait ça, mais j'ai pas donné les conclusions. J'ai juste dit que le livre se terminait sur une recherche sur pourquoi il y avait très peu de bouches ouvertes dans la peinture au XVIIIe siècle. Mais en effet, j'ai rien dit. Enfin, j'ai rien dit. J'ai pas donné les conclusions, les résultats de cette recherche. Donc, voilà. Oui, mais dans les photos, vous verrez aussi que ce n'est pas si fréquent. Mais maintenant, voilà. Monsieur ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Parmi vos sources, vous avez cité la peinture, mais pas la littérature. Je me rappelle avoir lu un dramaturge espagnol du XVIIIe siècle qui s'appelait Pedro de la Cruz et qui avait, vous connaissez peut-être, qui a écrit des scénettes, tout un théâtre de scénettes faites de paroles de gens du peuple. Mm-hmm. Est-ce qu'il existe de telles scénettes écrites par des batteleurs ou et qu'est-ce qu'on peut en tirer donc dans votre étude? Ben écoutez, c'est très judicieux ce que vous me demandez. Et il y a en effet tout un théâtre populaire ou un théâtre de rue ou des scénettes faites comme ça de paroles qui sont les cris du peuple, comme on les appelle à ce moment-là, comme il y a des musiques, comme Clément Jeannequin qui a fait aussi fonder sa musique sur les sons des cris de Paris. Moi, je ne me suis pas occupée ni du théâtre ni des scénettes parce qu'il y a eu beaucoup de travaux faits dessus. Et qu'en plus, comment dire, c'est. Alors, je vais aller vite, donc je ne vais pas répondre de façon. Aussi délicate que la question que vous m'avez posée. C'est-à-dire que ce sont les cris les plus stéréotypés, à la limite, et dont on n'est pas sûr dans ces scénettes que c'était vraiment les cris criés, vraiment. Il faudrait que je... Je n'ai pas d'ailleurs travaillé directement dessus, donc ça m'ennuie de vous répondre un peu de façon évasive. Mais je sais qu'effectivement, ceux qui travaillent là-dessus sont obligés de faire tout un travail pour. Parce que dans les légendes, par exemple, ou dans la bibliothèque bleue, qui sont les petits almanachs et les livrets de colportage, on croit reconnaître la parole du peuple, et c'est en fait la parole que les élites croient que le peuple parle comme ça et transmet. Et donc ça, moi, j'ai pas pu prendre la bibliothèque bleue comme moyen pour travailler, parce que et c'était déjà passé par le prisme des gens éclairés. Donc c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je sais qu'en même temps, on peut faire des recherches beaucoup plus élaboré que ceux qui travaillent là-dessus. Et l'Espagne, et il y a tellement justement ce qu'on appelle la littérature des cordels, qui est la littérature de la corde, parce que le colporteur, il pinçait les petites scénettes et on les achetait. Donc ça s'appelle la littérature de la corde au XVIIIe, où il y a énormément de paroles populaires, et dont tout le problème est de savoir si c'est vraiment une parole populaire ou si c'est ce mélange savant populaire qui apparaît là. Je ne peux pas vous répondre mieux, je suis désolée. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. J'aurais voulu savoir, il y avait une cause exclusive dans, dans certains pays pour l'immigration qui était le mutisme. Qu'en était-il des muets au XVIIIe siècle en France ? Est-ce qu'ils étaient placés un peu comme les simples, au rang des fous ? Est-ce qu'ils étaient marginalisés ou est-ce qu'ils étaient insérés à la société ? Est-ce qu'il y avait des corporations où il y avait plus de muets que d'autres ? Est-ce qu'il y avait des régions où ils étaient plus acceptés que d'autres ? Les muets, comme les sourds et les aveugles, sont effectivement en général au banc de la société parce qu'on les pense fous ou imbéciles, c'est le terme qu'on dit à l'époque, qui n'a pas tout à fait le même sens qu'aujourd'hui, c'est-à-dire imbécile, ça veut dire naïf, hein, à l'époque. Mais c'est aussi quand même le moment où commencent les travaux de l'abbé de l'Épée, qui va justement aller à la cour du roi présenter la façon dont il voudrait faire apprendre le langage des signes, qui a été, c'est un vrai combat, pour aujourd'hui, ce fameux langage des signes. Et donc, effectivement, c'est une préoccupation très grande, mais il y a aussi quelque chose qui est assez impressionnant au XVIIIe siècle, c'est-à-dire que dans les fêtes religieuses, les aveugles qui habitaient en communauté dans l'hôpital des 15-20 et les sourds-muets qui habitent en fait près dans une autre paroisse sont souvent une espèce de pensionnat. Hein. On les sort à l'extérieur. Je le dis, c'est cru de dire ça, mais c'est vraiment comme ça que c'est écrit dans les grandes fêtes. Et justement, de façon, ils sont exposés comme on exposait à la foire des monstruosités, mais insérés en même temps dans une espèce de procession religieuse. Et ceux qui, je pense, ont énormément souffert au XVIIIe siècle, entre autres, Dieu sait s'il y avait des maladies au XVIIIe siècle, mais ce sont les épileptiques qui, à toutes les fêtes de Dieu, sont exposés devant le Saint-Sacrement, près de Notre-Dame, et où toutes leurs contorsions se font devant le public. Et c'est quelque chose. Et on pense que quand ils vont hurler et pouvoir s'exprimer, ça va les guérir. Et certains médecins, certains chroniqueurs, certains mémorialistes sont extraordinairement choqués de ces scènes. Donc il y a un conflit intellectuel. Et par contre, savoir s'il y a plus de sourds dans une région, plus de muets dans une autre, plus ça, je ne pourrais pas vous répondre. Je ne le crois pas, mais peut-être je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que derrière ces infirmités, il y a l'idée de l'imbécilité et de la naïveté. Et de celui qui, c'est pour ça, je disais au début que je m'étais beaucoup intéressée à la voix de l'enfant qui commence à progresser, parce que c'est extrêmement, extrêmement grave pour une famille d'avoir un enfant handicapé de cette façon, surtout en tout cas au XVIIIe siècle, parce que c'est vraiment presque de la folie, ce qu'on appelait l'imbécilitas, quoi. Remarquez, on dit c'est ça aussi des femmes, hein, le sexe imbécile, mais bon, on les montre pas dans les foires quand même. Mais oui, c'est. Mais bon, quand même, il y a Diderot qui a beaucoup travaillé là-dessus, dans la lettre sur les aveugles, puis la lettre sur les sourds-muets, et tous les travaux sur le langage des signes de l'abbé de l'Épée, qui était vraiment extrêmement courageux, parce qu'il s'est fait quand même interdire pendant un long moment. Bonsoir. Vous avez... Vous avez parfaitement montré comment la voix révèle de l'origine géographique, la classe sociale, les métiers. Oui. Et je voulais savoir si dans les archives de la police, vous aviez trouvé des traces, puisque la voix semble très importante dans les archives, des cas de personnes qui auraient usurpé une identité ou un métier justement par la voix. Ah, oui, c'est une jolie idée. Ça m'aurait fait plaisir. Non, j'ai jamais trouvé. Non. Il y a les comédiens qui font ça, mais ça, c'est leur métier. Mais sans quoi, non. Je suis désolée. Si vous pouvez attendre le micro, parce que comme on enregistre, ça permet de... Comme il y a des gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui à cause de la grève, ils pourront au moins entendre et les questions et la conférence. Oui, du coup, je me souviens plus ce que je voulais dire. Donc, par extension, est-ce que... Oui, voilà. Est-ce que... les marchands comme ça qui effectivement clamaient de leur propre voix, quoi, liée à leur activité. Est-ce qu'il y avait en fait des conflits, quoi, finalement, d'un marchand peut-être qui commençait peut-être son activité, qui ne savait pas exactement le timbre, etc. Et du coup, on pouvait l'accuser d'usurper une identité ou de pas avoir effectivement le timbre de voix adéquate. Quoi. Non, là où vous avez raison, c'est s'il y en a un qui crie, s'il y a un métier qui crie beaucoup plus fort que l'autre. Ben oui, c'est ça, c'est parce qu'il faut que les voix... en fait, il y a la concurrence entre les voix, donc c'est pour ça que c'est si aigu et que ça devient, comme vous disiez, très, très éprouvant. Vous disiez, parce qu'effectivement, c'est dans la démesure, parce qu'il faut que la voix surplombe celle de l'autre marchand. Ça, c'est constamment... Enfin, on le voit beaucoup dans les archives de police, dans les plaintes, d'autant que les disputes entre marchands ambulants ou les disputes des places sur les marchés sont extrêmement, extrêmement fréquents. Et si en plus, il s'y ajoute celui qui va vouloir hurler encore plus fort, parce qu'il n'y a pas de problème pour avoir le timbre, c'est pas des timbres, c'est pas des musiques très élaborées, c'est pas très difficile d'avoir le... Mais il y a des musiciens qui cherchent à retrouver ces musiques, et c'est extrêmement difficile. Il n'y a que pour quelques métiers qu'on l'a retrouvé, mais c'est extrêmement difficile. Oui, ça vous fait marcher. Oh, ben ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Merci. Donc, vous avez indiqué que vous travaillez sur les archives de la police, on va dire. Et puis, j'ai lu un entretien que vous avez donné où vous dites que vous n'êtes pas naïve. Il y a une manière de décoder un peu ces archives, de faire un peu le ménage, j'allais dire. Donc, ma question, c'est comment on peut voir le vrai à travers le faux, à travers le langage administratif aussi. Et puis, j'ai une question complémentaire. Alors, j'ai découvert que vous avez travaillé sur les archives de la Bastille aussi. Alors, je pensais que tout ça avait été brûlé. Enfin, je ne pensais pas même que si vous pouviez me répondre là-dessus. Je pensais bien qu'elle viendrait à cette question. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Alors, du langage administratif, bien sûr. Les interrogatoires, par exemple, quand on travaille sur les interrogatoires, il y a un protocole de l'interrogatoire, il y a une façon d'interroger. Je sais bien que ces archives de police sont des archives que, de toute façon, on n'est pas hyper en forme quand on est devant le commissaire et on ne dit pas tout. Alors ça, d'accord. Mais si vous voulez, ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que par rapport à aujourd'hui, les commissaires de police sont aussi un peu des sortes de pères de famille, c'est-à-dire qu'ils font aussi beaucoup de conciliation, de négociation entre les gens. Ils ne sont pas que répressifs. Et aussi, on vient les voir pour des cas sociaux. Ils ont un côté assistance sociale, ils s'occupent de la voirie, ils ont un travail démesuré. Moi, je ne travaille pas que sur les interrogatoires de police. Je travaille aussi sur les témoignages. Donc, les témoins, c'est vrai qu'on n'est jamais objectif quand on est un témoin, mais quand on a 10 témoins, on recoupe quand même des choses. Donc, moi, je ne veux jamais penser que, de toute façon, je ne travaille pas pour juger les gens. Je ne sais pas si ce qu'ils disent est vrai ou faux, s'ils ont commis le délit ou ne l'ont pas commis, mais à vrai dire, je ne fais pas d'histoire de la criminalité. Ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. J'en ai fait, mais ça ne m'intéresse plus. Donc, si vous voulez, à force d'avoir tant en fait, de cartons d'archives, je sais ce qui est... On sait que de toute façon, si vous n'allez pas tout à fait dire la vérité, vous êtes bien obligé devant l'administration de la police d'être vraisemblable. Vous ne pouvez pas raconter n'importe quoi. Et à force d'avoir des textes vraisemblables, vous avez quelque chose qui, plus que de la vraisemblance, qui vous donne quand même toute une idée des relations sociales, des relations entre les hommes et entre les femmes. Alors qu'il est dit cul pourri ou pas cul pourri, à la limite, c'est pour l'anecdote que c'est drôle, c'est joli dans les citations. D'ailleurs, les historiens, il faut qu'ils se méfient de ça. C'est le grand désir, quand je travaillais avec Michel Foucault, c'était toujours ce qu'il disait. Lui, il disait « Ah non, mais on va donner toutes les archives, et puis c'est tellement beau. » Et moi, je disais « Ben non, parce qu'il faut les expliquer quand même. » Bon, et lui, il trouvait ça tellement beau, il disait mais il faut donner à tout le monde. » Bon, moi, je pense qu'il faut raisonner, il faut chercher le sens, il faut avoir une quête de sens constante. On a fait ça, pourquoi, et qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va provoquer, etc. Alors, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on peut s'amuser avec avec des listes d'injures et c'est drôle, il faut reconnaître. Et c'est, voilà, et c'est pour ça aussi que les gens aiment l'histoire quand même. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépaysse, ça. Et puis on se dit, ah ben ils étaient comme ça, puis on est, voilà, bon, je pense que, mais pour la, alors, donc j'ai perdu la deuxième question, la Bastille, si, alors les archives de la Bastille, il y en a beaucoup, elles sont conservées, il y a eu effectivement, vous avez raison, l'incendie de la Commune en 1871, qui fait qu'il y en a eu beaucoup, pour la fin du XVIIIe siècle, qui ont été détruites, mais elles sont conservées aux archives de la bibliothèque de l'Arsenal à Paris, et elles ne sont pas toutes en bon état, parce qu'il y a eu aussi des inondations avant la Commune, mais elles sont bien là, elles sont très abondantes. Est-ce que juste une petite question, est-ce que je peux vous demander, parmi des kilomètres d'archives que vous avez côtoyé, comment choisir, comment faire un tri pour savoir lesquels en retirer? Ben d'abord, vous faites le choix d'un objet de recherche, comme je disais au début. Donc, c'est vrai que au début, plus jeune, quand j'ai travaillé par moment par thème, donc pour donner un exemple, quand j'ai travaillé sur les demandes d'enfermement de famille avec Michel Foucault, on savait que les fonds, il y a des inventaires quand même, on savait que les fonds qui nous renseigneraient étaient aux archives de la Bastille. Donc, on ne va pas aux archives complètement égarées et libres. On a déjà, si vous voulez, une idée de où sont les sources, parce qu'il y a dans toutes les archives des inventaires très très bien faits qui vont vous diriger. Alors, soit si vous voulez travailler sur un quartier, vous allez choisir le commissaire de police de quartier. Si vous voulez faire ce qui se passe dans un quartier, vous allez faire des sondages sur les 20 ans où il a exercé son activité de commissaire. Donc, vous retrouvez par l'inventaire la cote de la série des archives du commissaire de police. Puis, ou bien, si vous cherchez un délit, ceux qui travaillent sur la criminalité, bien, c'est quand même extrêmement bien inventorié. Vous savez où vous allez trouver. Donc, une partie du métier de l'historien, c'est d'inventer des sources, j'allais dire, parce que tout peut devenir source, de chercher des sources. C'était Georges Duby qui disait toujours ça, qu'il fallait qu'on invente les sources, parce qu'on ne peut pas savoir, mais quelquefois, dans un truc complètement, je ne sais pas, un truc de succession vraiment monotone et vraiment ennuyeux, pour ne pas dire un autre mot, vous trouvez des choses absolument extraordinaires, et tout peut devenir source. Mais quand je suis partie sur l'opinion publique, j'ai travaillé sur les mauvais propos, donc les gens embastillés pour avoir dit des mauvais propos dans la rue contre le roi. Bon, ben, je savais où était le fond. Pour la voix, j'étais partout. Alors là, je connais les fonds à force. Mais c'est ce qu'on apprend aussi à nos étudiants en histoire, c'est de trouver les sources. C'est presque un témoignage. J'ai entendu, moi, il y a quelques années encore, le dernier émouleur de Villeurbanne. Oui. Hein? Et c'est parce que trouvé très intéressant ce que vous avez dit. Et effectivement, c'était pas la première fois que j'entendais dans ma vie des rémouleurs, et pas seulement à Villeurbanne, parce que moi, je suis né de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est vrai qu'ils avaient, il me semble, que c'était le même rémouleur. Oui, hein? Oui, vous avez une mélodie. Hein? Oui. Et j'ai aussi, comme ça, d'après tout ce que vous avez dit, je me rappelle Sarah Bernard, comment elle déclamait. Ah oui, bien sûr, je me souviens. Hein? On a encore les archives. Mais c'est toujours très émouvant. Les acteurs. Et puis j'ai entendu aussi des anciens hommes politiques. Oui. Hein, et c'est Tillon. Oui. Tillon qui expliquait comment les syndicalistes ou les hommes politiques, quand ils n'avaient pas les techniques d'aujourd'hui, techniques de harangue. Allonger les phrases. Oui, bien sûr. Hein, pour que les gens puissent entendre. Oui. Alors, voilà. Et effectivement, à partir de là, j'imagine tous ces bruits dans la ville. Et une dernière chose, j'ai participé à une conférence sur les cris il y a quelques jours de ça. Et comment ça corrobore Ah bah tant mieux. Je trouve, avec ce que vous dites, parce que la conférencière, ou le conférencier, je ne m'en souviens plus maintenant, mais expliquer le foisonnement de l'écrit et les règles qu'ils étaient, que les autorités devaient prendre, y compris pour les enseignes. Non, oui, c'est vrai. Juste, oui, c'est vrai. Vous avez raison. Donc, encore une question au fond. Vous nous aviez dit que vous reviendrez sur le cri des bébés à la naissance, justement pour déterminer au niveau de la succession certaines fois. Et à ce propos, je rajouterais qu'il y a eu un article dans La Recherche qui est paru récemment, disant que, au niveau des, en tout cas, l'expérience a été menée au niveau des nouveau-nés français et allemands, que les pleurs n'étaient pas les mêmes. Oui, tout à fait. Il y avait déjà eu une scientifique là, oui. La Recherche. Il y avait déjà eu une expérience qui avait été faite sur les babillements des jeunes enfants, des nourrissons. Ah oui, ça, oui, le babillement. Et là, il y a une étude qui a été faite justement sur les nouveau-nés et sur les pleurs que, visiblement, donc les Français appuient plus sur les finales et de la même façon. Donc, visiblement, il y a une influence in utero. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez revenir sur... Alors, je reviens deux secondes sur les successions. C'est-à-dire que c'est lorsqu'un enfant crie, donc on mesure, je disais, enfin, la force et la vigueur de son cri. Et dans certaines régions, si on l'a entendu, donc il y a les gens de la famille se postent dans tous les endroits extérieurs, enfin, qui font le bord de la maison, je ne sais pas comment on dit, je n'ai pas le terme là. Et si la voix de l'enfant atteint tous les murs, hein, tous les murs extérieurs, le jour de sa mort, les héritiers pourront avoir la maison. Je ne sais pas si ça a jamais été appliqué, hein, pourront avoir succédé de la maison en entier. Si sa voix n'a pas frappé tous les cloisons, justement, s'il y a une cloison, on l'a mieux entendue qu'un autre, etc., on amputera la succession. Alors, ce sont dans deux ou trois régions de France montagneuses qu'avait lieu cette coutume tout à fait particulière, dont je ne suis pas sûre qu'elle ait pu être appliquée, mais qui était suffisamment étonnante pour être relevée et qui se retrouve dans à peu près, oui, c'est ça, trois régions de France et des régions de montagne. Donc, c'est très particulier. Mais par contre, ce que vous dites sur le babil, bon, c'est vrai que c'est très intéressant. Je regarderai dans la recherche. Enfin, si je comprends, parce que c'est dur, les articles dans la recherche. Non, ça va ? Bon, d'accord. Alors, peut-être une dernière question. Vous nous avez parlé tout à l'heure, laissé miroiter quelques noms d'injures. Alors, pour compléter un peu notre répertoire, on pourrait peut-être en avoir un ou deux, s'il vous plaît. Bon, alors, ben, je vais tout vous dire. Alors, j'y vais, hein. Après, vous ne pouvez pas me faire le reproche. Bon, d'accord. Alors, savate de Trépierre, cul à soldat, déjection enfarinée, vérole de femme, cul pourri, j'ai déjà dit, hein, rebut du genre humain, horreur de la nature, et après j'arrête parce qu'après c'est vraiment pas poli. c'est pour vous donner, c'est assez imagé, quoi. Oui, je fais de la censure, c'est pas bien. Je sais pas, moi. Non, mais ça tourne autour du sexe. En gros, et des immondices. Bon, et ben on va conclure sur ces injures. Quand je pense que j'ai signé avant pour que j'ai le droit d'être enregistrée, ça va être chouette comme final. On remercie beaucoup Arlette Farge. Merci, hein. Et on a découvert une autre façon quand même, hein, de faire de l'histoire, il me semble, par rapport à ce qu'on a pu apprendre à l'école ou ce qu'on veut nous imposer aujourd'hui comme une histoire nationale. Merci beaucoup. Et à la prochaine séance, dont je n'ai plus la date là pour l'instant. Au revoir et merci à tous d'être venus dans le froid et malgré la grève des transports. Merci.